Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission Happy Dance 35. C'est effectivement Ismaël, les amis, avec vous pour ce soir et cette émission qui va durer 2 heures avec 2 heures et ben de son non-stop. Et ça c'est quoi? Et ben c'est un classement, il s'appelle Happy Dance 35, c'est le classement des 35 meilleurs hits EDM et ça tombe bien puisque c'est dès à présent. Allez, on va quand même un petit peu parler des singles qui nous quittent cette semaine, ils sont nombreux, à commencer et bien par Sam Felt, anciennement numéro 34 la semaine dernière et son single To Earth. Écoutez ça. Un single parfait pour faire la fête nous quitte malheureusement ce soir. Ce n'est pas tout, il est aussi accompagné eh bien, de Green Lights, de Crayola et Thérapie de Duc Dumont. Et pour continuer dans les singles qui nous ont quittés par rapport à la semaine dernière, puisque ce n'est pas fini, effectivement, il y avait Rob de Lane 8 et les Gristronics. I just got one thing left to do. Okay. Just right here. Oh shit. Eh oui, Gristronics, vous connaissez ce single puisque ça faisait énormément de temps qu'il était dans le top 35. Ça y est, il est enfin sorti. Peut-être qu'il reviendra la semaine prochaine. En tout cas, c'est parti ce soir pour commencer avec 2 heures de son non-stop. On va écouter ensemble This Is Real de Jack Jones et Ella Anderson. Bienvenue dans Happy Dance 35, les amis. 2 heures de meilleur hit musical dance electro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. Hit numéro 35. Got vertigo falling down, 'cause you're going to my head. Can I recognize the sound? And I could never entrée dans le top 35. Hit numéro 34. I don't know why I give in to you. This hurts too much. Every part of me just wants to run. But I Les amis, à l'instant, on vient d'écouter un superbe single de Diplo et Side Piece, c'était On My Mind. Juste avant, il y avait de la nouveauté dans ce classement avec Hard To Say Goodbye de Ekeli Elenium qui a donc atterri pour la première fois dans le top 35 cette semaine. Tout de suite, on va continuer avec une musique que vous connaissez bien, elle s'appelle One Night, c'est MK avec Sunny Fodera et Rafaela. Et juste après, il y aura In Your Eyes de Robin Schulz en featuring avec Alida. Allez, bonne écoute dans votre émission Happy Dance 35. 2 heures de meilleure hit music with dance electro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. Hit numéro 32. We go in circles, you and me. We say the same things, but never what we mean. I know that you wanna play games, but not tonight, not tonight, not tonight, please. Just give me a taste, so I know I'm alive. Cause I keep dancing on the edge of the night. Oh, that's so wrong, that is right. Let's forget the world. One night. And Oui, à l'instant, les amis, c'était donc à la place numéro 30 dans le top 35, Louis The Child et Drew Love sur ce single Free. Allez, on continue avec bien plus de musique dans Happy Dance 35, puisque tout à l'heure, en 26ème place, on aura Rabbit Hole de Kamel Fat en featuring avec Jem Cook, qui a encore perdu 2 places cette semaine. Petit extrait à écouter. C'est pas tout, on écoutera aussi Rushing Back de Flume et Vera Blue que vous connaissez très bien. Et puis Tiesto avec God is a Dancer, ça arrive juste après un single signé de Griffin, Les Seven Lions et Noah Kahan. Vous connaissez aussi, c'est Need Your Love qui est au numéro 29 cette semaine. Hit numéro 29. Your love to lift me up when I am weak. I need

Sometimes I dream about going back, keeping all the things I left behind. But now I know you can't change the past, way too young to know the reason why. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back. I feel the gravity pulling me faster than it. Pictures on the floor, but I hear everything telling me you don't have the time to let it go. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. All the years, all the issues, all the eyes I have looked into. The stages and the love all comes rushing back at once. Slip away, I should have been making up my mind. I never opened up, took it all in, and now I'm running out of time. Sometimes I dream about going back, keeping all the things I left behind. But now I know you can't change the past, way too young to know the reason why. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back. Les amis, on vient d'écouter tous ensemble à l'instant un single que vous avez très sûrement reconnu. C'était effectivement Flume de Rushing Back, classé numéro 27 cette semaine. On va continuer avec toujours plus de sons. Tout à l'heure, on aura Falling in Love de Dennis Cruzan avec Andrew Langston en 23ème place. Ça sera suivi de Used to Love de Martin Garrix. Il y aura une nouveauté dont je vous parlerai tout à l'heure. Bon, en vrai, je peux vous le dire tout de suite. Il s'agira du single Safety 2020. Vous connaissez peut-être si vous écoutez les nouveautés. C'est de Gashi avec Chris Brown, Afrobeat et DJ Snake. Donc de gros artistes. Et puis tout de suite on écoute comme premier Rabbit Hole de Camel Fat en featuring avec Jem Cook. Hit numéro 26. Slowly growing, but it's only you I see. entrée dans le top 35. Hit numéro 25. Oh. Springsteen playing so loud. We danced in the dark till it felt like home. With you, home was anywhere. But you'll never be left behind. Give me a moment, I need just a little more time. If I could, I would have made things right. But we can't go back to the way that we used to. Oh,

Très belle chanson à l'instant de Dennis Cruzan en featuring avec Andrew Longstone. C'était Falling in Love, numéro 23 de cette semaine, qui a perdu 5 positions. On continue avec de la musique, bien évidemment. Tout à l'heure, il y aura Body Bag de Griffin. Ce sera le numéro 19 depuis 2 semaines. On aura aussi Turn Me On de Riton avec Oliver Heldens, toujours dans le top 35, avec cette fois-ci une perte de 6 places. Il sera numéro 20. Et puis Purple Hat de Sophie Tucker, ça arrive juste après de la nouveauté dans Happy Dance 35. C'est le nouveau single de Rihanna avec Clara Mae et Frank Walker, ça s'appelle More Than OK. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 22. Said it over and over in my mind. How do you say that it's over for the last time? Thinking maybe I should wait till the morning. How do you say that it's over for the last time? We share the same friends and apartment, but lately we don't talk. Only about others' problems, but never mention ours. I barely recognize those portraits hanging on the walls. Tell me, do you think we lost it? 'Cause they don't look like us. Feels like we were for a bigger mistake. 'Cause all the small ones are already. Thinking maybe we got tired of trying. So I'm about to be honest for once. We share the same friends and apartment, but lately we don't talk. Only about others' problems, but never mention ours. I barely recognize those portraits hanging on the walls. Tell me, do you think we lost it? They don't look like us. Feels like we were for a bigger mistake. Cheetah print dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, people dancing on the people. I got people on the people, people dancing on the people, with the people on the people, smoking CO2. See me, see you dancing on the people, climb up on the booth, hanging from the people on the people. My head is the roof, dancing on the ceiling on the people. I got people on the people, dancing on the people. I got purple hat, cheetah print dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, people dancing on the people. I got people on the people, people dancing on the people, with the people on the people. Smoking CO2, see me, see you dance on the people, climb up on the booth, hanging from the people on the people, my hits the roof, dancing on the ceiling on the people, I got people on the dancing on the people, I got people. Dancing people, I got people. dancing on the people, people dancing on the people. I got people on the people, people dancing on the people with the people on the. Hit numéro 20. Living life all wrong, cause I thought I knew what love was, but my heart, it was made of stone. I was out there seeking after hours for money, looks, and power, but all that glows and always gold. Just give me some love, cause I'm running out of that feeling. Doctor, prescribe me that drug, cause I need some more of your healing. Baby, turn me on, turn me on. Healing. Baby, turn me on, turn me on. Healing. Baby, turn me on, turn me on. Super, méga, sexy et chaud bouillant, ou chaud bouillante en tout cas. Bienvenue dans Happy Dance 35, les amis, ça va faire presque une heure que nous sommes ensemble. On a encore 19 chansons à écouter dans ce top 35, et ça tombe bien puisque tout à l'heure, eh bien, je vous pourrais voir des choses chaudes, des choses latino. Vous connaissez sûrement Baila Conmigo, et eh bien, en numéro 16, tout à l'heure, on aura la version avec Jennifer Lopez. Écoutez ça. Oh oui, qu'il est bon ce son. Imagínate, vamos a tocar. Et puis c'est pas tout, on aura aussi In Your Arms, The Millennium et X Ambassador, présent depuis plus de 20 semaines dans le top 35. Écoutez aussi cet extrait. You know, I'm not afraid as long as you're next to me. Superbe chanson pour bouger en soirée, c'est super. Et puis allez, I Feel Love de Sam Smith, puisqu'on aime l'amour dans Happy Dance 35. Écoutez ça aussi, ça arrive après. Ooh, falling free, falling free, falling free, falling free, falling free.

17. Never seen Mona Lisa close, but I seen perfection under your clothes. Yeah, we fell in love and we built a home. Though we may never see the streets of Rome, and I hope it's okay, 'cause the unknown is on its way. If I died in your arms, it's right where I'm supposed to be. You know I'm not afraid as long as you're next to me. So tell me, we'll dale, dale. Vamos a tocar el cielo. Vous aurez sûrement reconnu ce single à la base signé de Davy qui s'appelle Baila Conmigo. En voici à l'instant une reprise que nous venons d'écouter, celle de Jennifer Lopez et d'ailleurs qui gagne une place cette semaine puisqu'elle a atterri à la 16ème place. On continue toujours avec plus de sons. Tout à l'heure, on écoutera ensemble Alone Walker avec Ava Max qui continue et bien de rester dans ce top 35 depuis 5 semaines avec Alone partie 2 placée numéro 13. On aura aussi Get Your Wish, c'est une nouveauté, c'est de Porter Robinson et ça sera à découvrir juste après cette nouveauté. Elle s'appelle Hypnagogique, en parenthèse I Can't Wait, c'est de Love Regenerator. Et ça tombe bien qu'on parle d'amour, puisque j'aime ça, et tout de suite, place à Love Regenerator Hypnagogique. Happy Dance 35, 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Hit numéro 15. I can't wait. entrée dans le top 35. Hit numéro 14. Letting you go, hey. We all need that someone who gets you like numéro 12. Know the road gets hard and you just wanna leave. I ain't never too far. Just have a little faith in me. When all the fears you have are all you can believe, oh, I'll be standing by your side. Just have a little faith in me. Have a little faith in me. C'est le temps que nous avons de passer tous ensemble dans cette émission Happy Dance 35 qui va bien sûr continuer. Moi c'est toujours Ismaël et c'est avec un grand plaisir que je vous annonce que tout à l'heure on écoutera une chanson en hommage à Avicii qui vient de faire son entrée dans le top 35 cette semaine pour la première fois. C'est Kaigo qui s'y est mis avec Sandro Carvaza, ça s'appelle Forever Yours, ce sera le numéro 9 de cette semaine. On aura aussi Kekalor de Major Lazer avec J Balvin d'ici quelques minutes, c'est le numéro 10. Et puis allez, tout de suite on écoute Family des Chainsmokers avec Kaigo pour le deuxième single signé de cet artiste français qui est dans le top 35. Il est numéro 11 et gagne une place par rapport à la semaine dernière. Avec Ismaël, vous écoutez Happy Dance 35. 8, numéro 11. I know water that's thicker than blood, that's deeper than love with my friends. People coming, some people going, some people ride to the end. When I am blind, in my mind, I swear they'd be my rescue, my lifeline. I don't know what I'd do if I'd survive. My brothers and my sisters in my life. Yeah, I know some people, they would die for me. We run together, they're my family. When I get up, they gon' be high with me. I'll say forever, my family. Family. I'll say forever. I'd try to stay still. Ain't nothing changed, now we're grown. We're still young, still got our mindless ways and a timeless phase kicking songs. When I am blind in my mind, I swear they'd be my rescue, my lifeline. I don't know what I'd do if I'd survive. My brothers and my sisters in my life. Yeah, I know some people, they would die for me. We run together, they're my family. When I get up, they gon' be high with me. I'll stay forever my family. Family. I'll stay forever my Et tout de suite dans Happy Dance 35, c'est parti pour les 10 meilleures chansons EDM de cette semaine, à commencer par Keke Lord de Major Lazer, numéro 10. Numéro 10. A la perfección, por mi patria, por mi nación. Ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión. Báilalo por obligación. Qué calor. C'est la grosse nouveauté de cette semaine, un hommage rendu à Avicii de la part du DJ Kaigo, c'est Forever Yours. Numéro 9. Every time I see your face, there's a cloud hanging over you. In such a beautiful way, there's a poetry to your solitude. Ooh, you should let me love you. Hold me now forever.

don't lost them all, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Tonight. We about to spend a dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Tonight. Al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Tonight. We about to spend a dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, extremo, extremo, extremo, extremo. Ritmo. No son ni Reebok ni Sonai, no. Sin estilista luzco fly, yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta, nah. Yo te espero y tengo claro que es mi culpa, es mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Se rompemos, al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Tonight. We bout to spend a dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, tonight. Al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos. Deux heures d'émission viennent de passer très rapidement dans Happy Dance 35. C'était Ismaël avec vous pour eh bien, vous faire découvrir ces 35 meilleurs tubes EDM de la semaine. J'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de vous abonner tout simplement à la page Facebook de l'émission. Vous tapez sur Facebook Happy Dance 35 ou Happy Dance EDM et vous allez tomber dessus. Et puis bien sûr, je suis aussi présent sur Twitter pour vous tweeter eh bien, les meilleures musiques du moment quand il y en a ou les petites découvertes que je peux faire en traînant sur YouTube et plein d'autres plateformes de streaming et d'écoute. En attendant, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de classements et de musique, sûrement encore des nouveautés qui vont arriver. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. À bientôt, c'était Ismaël le micro. Ciao, bye bye.